Rail Suprême. 2 heures, DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? Quel dimanche soir, rendez-vous après la spéciale de Diffoul avec Rai Suprême, avec DJ Case qui est là. Comment va ? Très très bien. En forme ? Très très bien, ça fait 3 ans que ça dure là maintenant, Rai Suprême, et ça le déchire. Le temps passe vite et ça continue en plus de ça. Du moins la version 2.0. On est à quelques jours aussi maintenant, on peut dire en jour, de la sortie de DJ Case. À peu près 3 semaines, ouais. 3 semaines. L'album DJ Case, ça sort le 3 juin avec que des inédits. Est-ce qu'on aura des petits inédits ? Bien sûr, ouais, ce soir je vais en mettre un. Ce soir je vais en mettre un de Souf, donc le chanteur qui est en ce moment sur les ondes et qui en même temps il avait fait Beauté Marocaine avec moi l'année dernière. Et là voilà, le titre c'est Ma Bella, on aura l'occasion de l'écouter en exclusivité ce soir. Exclu ce soir, écoute en voix de ce Rail Suprême, c'est parti, DJ Case.

tout le monde, c'est DJ Kays. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Même sans pilon, enfoiré.

jeune mani. J'voyais personne, quand y'avait nada. Rien à foutre de temps, que la rime valide. Deux chauffements, s'en fout à madame. Les contraires s'attirent. Pas d'amis, que des frères. Pas de pute, que des hommes. Sur la chair de ma chair, j'vous encule, j'en rigole. AMG, en BG, j'ai la folle, j'ai l'alcool. À Marseille, tu commences, tu guettes, puis tu fais rentrer des torts. Rail suprême, DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment. Y'a la mort, y'a des gens bien, y'a du soul. Désolé, maman, dans ma tête, c'est le désordre. Sur du Alonso, tout le quartier caillasse les forces de l'ordre. Ils sont pleins de manie, j'voyais personne quand y'avait nada. Rien à foutre de temps, que la rime valide. Deux chauffements, s'en fout à madame, les contraires s'attirent. En une Honda, fais le condom. Rap ta dans la porte, on a fini comme d'hab. Fais-le, fais-le, fais-le. Je ne suis pas raisonnable. Rafale dans ton salon, sera sûrement désagréable. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Je finis à la choriste, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. Rafale dans ton salon, sera sûrement désagréable. On trinque à nos balafres, à nos crochets tous les soirs. Noir c'est noir, ont-ils dit. Y'a donc vraiment plus d'espoir. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Personne dans le monde ne marche du même pas. Le Raymond tous une tombe, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. On t'a pas dit que les pas t'amuser à la crème du fil. Pourquoi? Ma justice à ma quoi? Avec Khaled, j'suis là. Avec quoi la mêlée? Oui, où est TVL? On se fatigue jamais. Jamais de la vie, j'suis là. Ma quoi? Khaled m'a dit le système, ça c'est le sang qu'on aime. Partout c'est la même, pas fatigué c'est le thème. Ne pas fatigué, ce soir il faut danser. Salut tout le monde, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Let's go.

c'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines, beautés marocaines, oh, beautés marocaines, beautés marocaines, toutes belles au naturel, toutes belles au naturel, oh, beautés marocaines, c'est comme ça qu'on les aime. Nos beautés marocaines. C'est comme ça qu'on les aime, nos beautés marocaines, beautés marocaines, oh, beautés marocaines, beautés marocaines, toutes belles au naturel, toutes belles au naturel, oh, beautés marocaines, c'est comme ça qu'on les aime, nos beautés marocaines. Découvre le nouveau projet de DJ Sun, ton rail suprême sur Skyrock. Tout le monde lorsque tu veux te rendre un service. Quand je croise un loco, c'est moi qui lui demande un service. C'est rail suprême. Croyez que j'allais m'attirer, mais son cœur ça plaisante pas. Je voulais pas la laisser filer, mais son cœur ça plaisante pas. Aïe aïe aïe aïe, je râle. Jason, ton rail suprême sur Skyrock. Jason, ton rail suprême sur Skyrock. Ton rail suprême sur Skyrock. DJ Case, le dimanche soir. Avec évidemment des nouveautés, des titres cultes. Voilà, on s'est mis un inédit dessus. L'inédit. Qui, voilà, qui figurera sur mon album qui sort le 3 juin. Et tous les dimanches, voilà, avant la sortie de l'album, on se fera péter des exclus. Tant tu te fous pas trop, puisqu'il reste 3 dimanches, grosso modo, avant la sortie. Ça. Bon, on va équilibrer le truc. On va pas tout mettre, mais on va en mettre quelques-uns. Ouais, c'est ça. Bon, on va pas louper la sortie, rappelle-nous la date de DJ Case. Le 3 juin dans les bacs. À pas louper, et là, on repart pour une nouvelle session. Allez. C'est parti. Minuit 2h avec Fred et DJ Case sur Skyrock. Parc à juste Bélec au lieu qui rugisse. Moi j'ai grandi dans la street et un fleurier me rougisse. C'est pas que je veux faire cagoter, mais non, je te laisse pas mon numéro 10. Je dois mettre l'oseille de côté. Ils sont tous faux, je tape mes homies. Ils comptent sur moi comme l'Hermès de Bell. J'suis riche, m'en fiche, j'ai pas de fiche de paye. On me paye au black en showcase. Escort et push cut dans le top case. Nique sa mère qui veut test. J'suis tout spooky, mais j'vous baisse. J'vous donne rencard à l'Everest. J'reste juste au-dessus.

mais sans doute pas mal. Africaine, européenne, antillaise, Guinée, République dominicaine. Laisse-moi faire le plat pour le week-end. Je ne vais pas, on m'appelle ESPK. Don't elle dit t'es fraîche. Ouais, j'ai dit t'es fraîche. N'empêche, t'as mieux à Marrakech. Laisse-moi mettre l'ambiance. J'ai quitté le sol français, je me lance. Appel sur la compile. On s'enflamme toutes les vacances. Okay. Oh non, tout le monde a pris ses congés. Belle gosse, à mes côtés j'ai foncé. Location dernier cahier, mais je prends la route vers Tanger. Je fais des stabs dans la piscine pendant que toi t'es congelé. Zifou t'as validé. Validé. Dans le vide t'as paniqué. Paniqué. Écoute-moi, tu vas kiffer. Ouais. Une ambiance de qualité. Comment vous dire que je vais bien? Loin des ennuis, je suis à l'aise. Le soleil tape sur moi. Je suis pas tellement du malaise. Comment c'est le feu ce soir? Mon équipe est de sortir. J'ai des billets dans le noir. Tu comptes sur ce taraclé. Naïda, naïda, naïda, numéro 1. La halle ou la fin. Même chine ou dawa zaya. Zaya, zaya, zaya, Paris, Marrakech, début de l'été. Avec les potos, pourquoi s'embêter? Toujours en équipe, viens pas nous tester. Appelle tes copines, on va tout ce qu'il fait. Cholé, cholé, c'est parti, olé, olé. Les filles sont jolies, jolies. Ce soir, c'est la folie, folie. Cholé, cholé, c'est parti, olé, olé. Les filles sont jolies, jolies. Ce soir, c'est la folie, folie. Comment vous dire, je vais bien. Loin des ennuis, je suis à l'aise. Le soleil tape, tu m'en vas. Je suis pas très loin du mal. Comment c'est le feu ce soir? Mon équipe est de sortir. حنا يا ما مناش كلام هادو يا منا ماشي يا ما هو حاس باللي الناس ما حملناش وما كاين باس هادي حياتنا ماشي حياتهم ربي حاسبنا وما مالهم حبك موتيفيشن كيحرك سنسيشن بيبي لا دو ريليشن انا ندير كاع ريفيليشن انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم ما بيبي جيرل تيا ماشي بحالهم تيا ماشي بحالهم تيا ماشي بحالهم ما بيبي جيرل. Coucou tout le monde, c'est DJ Kaez. Retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rai Suprême. هدرت الناس جابت لينا حريق الراس حنا احلامنا ماشي احلامهم عمرنا ما كنا بحالهم ها كلامهم قرطاس وانا معاك ديما لاباس حنا يا غادي نسدو فامهم ربي حاسبنا وما مالهم انا قلبي فيه فيبريشن حبك ما كاين في تاشي نيشن ويلي ويلي شهاد الايموشن حبك اللي كاين وما كاين ما احسن انتيا ماشي بحالهم انتيا ماشي بحالهم تيا ماشي بحالهم my baby girl oh تيا ماشي بحالهم تيا ماشي بحالهم تيا ماشي بحالهم my baby girl كبي بنتي ماشي بحالهم غدا بيضا ماشي بحالهم عمري تيا ماشي بحالهم ويلي ويلي ماشي بحالهم هاي ماشي بحالهم ناري ناري ماشي بحالهم واو واو ماشي بحالهم انتي يا بيبي ماشي بحالهم sur moi. Je veux être un objet d'un choix, mais faudra t'y faire désormais. Le tien me semble si mauvais.

DJ Kay sur Skyrock.

They just spent like 2 or 3 weeks out the country. Jumpin', jumpin', jumpin', them boys up to something. Yeah, they just spent like 2 or 3 weeks out the country. Jumpin', jumpin', jumpin', them boys up to something. They just spent like 2 or 3 weeks out the country. Them boys up to something, they just not just bluffing. You don't have to call, I hear my dance like Usher. I just find my tempo like on DJ Mustard. I hit that Ginobili with my left hand all like woo. Look at my dab, look at my dab, look at my dab, look at my dab, look at my dab, look at my dab, look at my dab, look at my dab. Get in there, get in there, get in there, get in there. Get in there, get in there. Get in there, get in there. Get in there, get in there. Get in there, get in there. Get in there, get in there. Look at my dab. Look at my dab. Everybody saying dab. Trap niggas on the map. Trap niggas like the dab. Trap niggas in the bowl. Trap niggas on the stove. Trap niggas worldwide. Play with the power, no lies. Fuck out some commas. Fuck out some commas, yeah. Fuck out some commas. Fuck off some promise, yeah. 100,000 to 100,000. 100,000 on 100,000. 300,000, 500,000. A million is how money shout. Fuck off some promise. Fuck off some promise, yeah. Fuck off some promise. Fuck off some promise, yeah. 40,000 to 100,000. 100,000 on 100,000. 300,000, 500,000. A million is how money shout. Rai Suprême. Minuit, 2h. DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. To slow the motion, don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta sit through. Three way between, I'm still choose you. Turn up. Rai Suprême, Suprême. Minuit 2h avec Fred et DJ K sur Skyrock. Projet de DJ Sun, ton rail suprême sur Skyrock. Le trop loto lorsque tu veux que je te rende un service. Quand je croise un loco, c'est moi qui lui demande un service. C'est rail suprême. Croyez que j'allais m'attirer, mais son cœur ça plaisante pas. Je voulais pas la laisser filer, mais son cœur ça plaisante pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, je râle. Projet de DJ Sun, ton rail suprême sur Skyrock. Jason, ton rail suprême sur Skyrock. I wanna dance with you. I wanna

ton cœur. Je n'ai pas souillé ton âme. Sorry, oh, sorry, oh. T'es la plus belle, qu'aucune autre ne pouvait rivaliser. Mais baby, arrête. Oui, arrête de mytho. Oui, arrête de mytho. Oui, arrête, arrête-moi ça. Moi j'ai mal à la tête. Je t'ai juste. Rail suprême. Deux heures, DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. Je n'ai pas souillé ton âme. Oh, DJK sur Skyrock. C'est nouveau. C'est nouveau. Et seulement sur Skyrock. Au fond de la classe avec un mauvais bulletin. J'ai dû rejeter à chaque fois que tu venais vers moi. T'étais pas du tout mon genre, tu me suivais dans les couloirs. Tous les garçons faisaient que de se moquer. Tes lunettes rondes et tes boutons d'acné. T'étais la moins belle de la cité. T'as fait preuve de courage et de vivacité. Avant je jouais les cadors, pas à la maison mais dehors. Et tu passais devant chez moi quand tu promenais ton labrador. Monica, on y va. Deuxième épisode, on s'était pas revu depuis l'école. Monica, qu'est-ce que tu fais cet après? Moi je vais au studio et après au code. Elle m'a dit j'ai pas de fun, j'ai pas ta bouffonne. La roue a tourné et maintenant tu t'étonnes. Elle lâche des coms, des mauvais coms. Alors qu'à l'ancienne elle pleurait comme une conne. Je veux la conquérir mais faudrait que je me dépêche. Sans cœur je vais l'ouvrir à mes yeux. DJ K, c'est déjà la fin. Eh ouais, ça passe vite, c'est Rail Suprême. Il y a eu de tout ce soir, il y a eu de tout. On était bien. Oriental, du rap, afro, on a vraiment tout mis là. On a traversé les continents, on s'est éclaté. C'est avec le hashtag Rail Suprême, on l'a vu, les gens, ils étaient présents ce soir. Vous continuez dès la semaine prochaine, sinon vous retrouverez aussi Case près de chez vous, les dates sur tes réseaux sociaux. C'est ça, sur les réseaux sociaux, sur la page fan Facebook DJ K, c'est sur Instagram, Twitter, DJ Case Paris. Voilà, vous pouvez aller checker. L'album sort le 3 juin. DJ Case, donc un bon album pour l'été et la belle période estivale. Quel slogan. Merci Case. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez. Ciao, ciao. Passez une bonne soirée. Le son, ça continue. Tiens, il y en a peut-être aussi demain qui vont continuer à rester en week-end puisque c'est lundi de Pentecôte. C'est moitié travaillé, moitié. Toi, tu bosses lundi de Pentecôte ou pas pour les petits vieux? Wow. Tu bosses pour les petits vieux? On bossait, ouais. C'est là, bien, Case. Maison de retraite. Et bah pour ceux qui restent à la maison ou qui sont en famille ou avec leurs proches ou avec qui ils veulent en week-end, bah profitez bien. Le son Skyrock, c'est reparti. Rap R&B non-stop. Ciao.